Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Encore une autre ? Bon, alors c'est une petite chanson, ça s'appelle La Bourse ou la Vie. Vacances à la ferme dégustait un fromage frais de chèvre si bon qu'il savourait. Acheta tout le stock au fermier déclara: tu dois trimer comme un âne pour un tel résultat. J'aiderai mes chèvres mais j'ai du temps pour aimer ma femme, élever mes bambins, me promener faire la sieste, inviter des copains pour jouer de la guitare et boire du bon vin. Ton troupeau te suffit pour nourrir ta famille, mais tu végètes un peu, laisse-moi te conseiller. J'ai fait les grandes écoles à Sénat, le banquier. Faut que t'achètes de nouvelles bêtes, j'ai un plan pour que tu brilles. Je traîne mes chèvres et j'ai du temps pour aimer ma femme, élever mes bambins, me promener, faire la sieste, inviter des copains pour chanter des chansons, boire du bon vin. Avec les bénéfices sur les ventes de fromage, tu pourras investir en treilleuse haut débit, te diversifier dans le confit de brebis et ouvrir des magasins pour augmenter tes marges. J'aiderai mes chèvres mais j'ai du temps pour aimer ma femme, élever mes bambins, me promener, faire la sieste, inviter des copains pour jouer de la guitare et boire du bon vin. À Paris, la Défense, l'affaire tu dirigeras, puis ta société en bourse tu introduiras. Des millions tu gagneras d'ici 15 à 20 ans. Mais pourquoi faire tout cela? Demande à le paysan. Tu revendras, t'auras du fric pour gâter ta femme, pourrir tes bambins, te promener, faire la sieste, inviter des copains pour tout oublier grâce à du bon vin. Mais je traîne mes chèvres, j'ai du temps pour aimer ma femme, élever mes bambins, me promener, faire la sieste, inviter des copains pour jouer de la guitare et boire du bon vin. Merci. Voilà, nous remercions les joyeux Calvaire et Samokla pour leur prestation. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée et nous vous donnerons rendez-vous pour le 21 juin au Parc des Charmilles pour la fête de la musique. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.